Ok, chromosome égal G, jeunesse sacrifiée. Hein. Fini l'époque malabar, barre de céréales, les belles histoires le soir. Maintenant on se crame des spars pour se taper des bars. Un peu flemmard alors on se laisse la beubar, on traîne tard le soir et on cherche des dollars. On se tape dessus pour des histoires de cannes, pour des histoires de garces, pour des histoires de barges. C'est l'objectif, faire de la maille vite, éviter le placard, mais le taf nous évite. On n'hésite pas à taper pour un manque de respect. Et on confie nos petits problèmes dans les bras d'une tasse. Et on traite les mères alors qu'on les connaît pas. Et puis on parle de gun, mais bien souvent on n'en a pas. Comme Youssoufa, j'bosse, bosse pour nourrir la mif. J'vise une vie de rêve à base de bis pour que j'y arrive. On a du mal à dire le mot je t'aime. Ils ont rien compris, se foutent de nous. Abattu, mis à genoux. C'est égal, j'ai émozo. Notre avenir, il est un peu dans le flou. J'dirais même dans le trou. Au fond, on est un peu tous les mêmes dans le crew. Tu vois, ça vit au jour le jour. On gère le genre de la débrouille, mais pas celui du citoyen modèle. Tous les mêmes quand l'argent appelle ou quand l'agent harcèle l'école. Rimer avec heure de colle. Grosse déconne, grosse défonce, rêve de grosse bécane ou grosse gove, grosse descente. Après cette grosse bédave, on est tous majeurs pour sodomiser la République. Cette grosse pétave, besoin de reconnaissance. À quand le BEP galère en orientation scolaire dès la naissance. Tous les jours, je me demande où tout ça va nous conduire. Droit dans le mur, je le pense. Donc je l'écris de la détresse. Combien de bâtards ignorent les cris. J'ai mis de côté. On a du mal à dire le mot je t'aime. Ils ont rien compris, se foutent de nous. Jeunesse abattue, mise à genoux. C'est égal, j'ai émotion. J'ai passé ma jeunesse en bas des pierres. Là où ça tire, là où les pieds sont bétonnés. Là où les cœurs se chauffent avec la tise. En bas des caves, des bades et des bagarres. Ça vole des bacs chez les margas, ça sent les balles dans les parages. J'ai vu des gens sauter comme des paras. Si des caras ont disparu, ces enculés diront que c'est des noirs ou des arabes. Arracheurs de sacs, on nous identifie. Certains diront qu'on sort un cran d'arrêt juste pour un dentifrice. Le quotidien c'est bon, c'est pas la fin des temps. Mais le chômage nous tue, amène les gens à se tirer dans la tempe. Le temple du soleil, c'est dans ta teinte, c'est tout. Un point c'est tout, les teurs fous de bordel, quoi ça en bat tes tours. Nous on sent pas les couilles, mais on sent pas des couilles. Je m'en bats des cours, j'ai mon putain de vécu qui pue la bouche des goûts. Y'a des rageux qui veulent mon place sur un faire-part. T'en fais pas, je laisse ma face de mes crasses sur le terre-part. Côté. On a du mal à dire le mot je t'aime. Ils ont rien compris, se foutent de nous. Jeunesse abattue, mise à genoux. C'est égal, j'ai émotion. On a du mal à dire.